gendre, remerciez-moi. Qui a eu l'idée de venir sur la tour Eiffel? Qui a eu l'idée de mettre la noce un 14 juillet? L'enfant trépigne. Papa, papa! Que dit-il? Je veux qu'on me tire en photographie avec le général. Mon général, vous ne refuserez pas ce plaisir à notre petit Justin. Soit. Pauvre photographe, la mort dans l'âme, il charge son appareil. L'enfant, à cheval sur le sabre, fait semblant d'écouter le général qui fait semblant de lui lire un livre de Jules Verne. Ne bougeons plus. C'est parfait. Un oiseau va sortir. Sors un lion. Grand Dieu ! Un lion ! Le photographe se cache derrière son appareil. Toute la noce monte dans les cordages de la tour Eiffel. Le lion regarde le général. Car seul, le général ne bouge pas. Il parle. Que dit-il ? N'ayez pas peur, je connais la théorie. Il ne peut y avoir de lion sur la tour Eiffel. Donc, c'est un mirage, un simple mirage. Les mirages sont en quelque sorte le mensonge du désert. Ce lion est en Afrique, comme la cycliste était sur la route de Chatou. De même, il arrive de voir la tour Eiffel dans le désert. Vous assistez, mesdames, messieurs, à un phénomène dit d'intermirage. Ce lion me voit, je le vois, et nous ne sommes l'un pour l'autre que des reflets. Pour confondre les incrédules, le général s'approche du lion. Le lion pousse un rugissement. Le général se sauve, suivi par le lion. Le général disparaît sous la table. Le lion disparaît derrière lui. Après une minute qui semble un siècle, le lion sort de sous la nappe. Horreur ! Horreur ! Oh ! Que tient-il dans sa gueule ? Une botte avec un éperon. Après avoir mangé le général, le lion rentre dans l'appareil. Oh. Oh. Pauvre général. Il était si gai, si jeune de caractère. Rien ne l'aurait plus amusé que cette mort. Il aurait été le premier à en rire. Funérailles du général.